freestyle. R2N, sémine l'hérétique. LEZ, acolyte. Département 30. Les acolytes. L'esprit combatif, c'est concept dans ma team. Et c'est le mot d'ordre, ferme ta gueule, c'est un conseil, on t'a dit. C'est un bon, c'est ce qui fait la diff. Avec un putain de flow, lance missile, écoute ça, l'MC. Toi qui sur l'instru fait que des homies. C'est des textes humorifiques, de tes rimes. Tu crois que t'es un roi dans ton orifice. On viendra caler un roi. J'ai pas le stud à rime qu'un mec, pas style à Jim Carrey. Nique sa mère, si sa mère, tant qu'il y aura des rimes carrées. Dans mes rêves, les tripes à l'air, je crie à l'aide. Mais en vain, on me traite de type pas net. Mais moi au moins, je laisse pas mes emprunts. Je m'en tape de l'actu, j'essaye de rester actif. Faire gaffe à la stupe, être vigile et réactif. Département 30, t'as compris d'où ça venait. Les acolytes en 2010 arrivaient, te lâchent leur venin. R2N, c'est mine avant à pas jamais en skate. Mets-toi à plat ventre, c'est la freestyle du maxi dans en stress. Dans notre rap, on est tout, le cœur et l'accent. La rancœur en action, un truc axé mais relaxant. Rappé à l'excès, ouais nous on fait que ça. Le cœur et l'accent, y'a que ça de vrai. Nous on accent, on met tout. Le cœur et l'accent, la rancœur en action. Un truc axé mais relaxant. Rappé à l'excès, ouais nous on fait que ça. Le cœur et l'accent, y'a que ça de vrai. Nous on accent. Jeune fille, moi je m'en bats les couilles de détresse ou de détresse. Tu vois, je suis tellement dans la merde que le rap c'est ma voix de détresse. Je déstresse, sans extase, embrouille à cause d'une traîtresse. Je vais régler le malaise, mais il tombe dessus à distresse. Ma vie c'est comme ça, embrouille cette là donc je vais compter ça. Quand je croise des anciens frères, on me demande c'est qu'encore descend. Les 19 c'est des capotes, je nique des putes sans capote. Pour le fric, j'arrache pas de sac, je pars en couille sur mon plan capote. Le cul je calbote, des buts qui mouillent sur mes 5 phalanges. Et si je bande pas chéri, faut que t'en fasses plus pour que mon sexe s'allonge. Si les zincs s'allongent, je rappe dans la rue, pas besoin de 5 rallonges. Le droit je mets la bonne route, je suis pas dessus. Rien que je l'allonge, si l'ennui l'ami, c'est que la nuit nous induit d'ennui. Et si tu nies, tu nuis, si tu ris, ça part en tuerie. Frappez les gars qui sont sur leur pédestal, merde. Moi j'en fais mon extase, mec. Dans notre rap on met tout, le cœur et l'accent, la rancœur en action. Un truc axé mais relaxant, rappé à l'excès, ouais nous on fait que ça. Le cœur et l'accent, y'a que ça de vrai, nous on accent, on met tout. Le cœur et l'accent, la rancœur en action. Un truc axé mais relaxant, rappé à l'excès, ouais nous on fait que ça. Le cœur et l'accent, y'a que ça de vrai, nous on accent. À force de grandir sans repère, bah forcément on se fait seul. Et à force de voir tant de merde, maintenant je guette du mauvais œil. C'est la triste réalité, ici la méfiance est de mise. Demain frère devine, ce sera les deux mains dans la mouise. Parce qu'on a vécu le pire et les textes sont pas optimistes. Ça dégoûte, je vais te dire que c'est comme les strings aux petites mises. Un sentiment d'offense car c'est les riches qui officient. Donc on s'exprime avec violence, ça marche plus la fleur au fusil. L'État nous entend pas, croire qu'il se lave pas les oreilles. Sous le soleil, écarter les orteils. Rêve, car dans ce pays, les engrais. J'ai choisi d'écrire des textes, cacher des pénalités. Ainsi que des revendications, par exemple dépénalisées. Trop de choses nous sont imposées, c'est ce qu'on appelle anomie. Un comportement de lâche, t'es comme un appel anonyme. En France, une pute se présente et le peuple la nomine. Alors comme Freudon, je veux disparaître une fois l'anomie. On met tout, le cœur et l'accent. La rancœur en action, un truc axé mais relaxant. Rappé à l'excès, ouais nous on fait que ça. Le cœur et l'accent, y'a que ça de vrai, nous on accent, on met tout. Le cœur et l'accent, la rancœur en action. Un truc axé mais relaxant, rappé à l'excès, ouais nous on fait que ça. Le cœur et l'accent, y'a que ça de vrai, nous on accent.